À toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de Radio Guémozo, c'est Cassandra et aujourd'hui on se retrouve dans mon émission à l'écoute des jeunes. Vous nous écoutez bien sur le 107FM et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Florence et Yvette de l'association Agir Ensemble d'Épinal. Alors maintenant que je vais vous laisser vous présenter votre statut. Donc moi je suis Yvette et j'ai occupé divers postes dans l'association. Maintenant je suis secrétaire adjointe parce que chez nous ça tourne. D'accord. Moi je m'appelle Florence, je suis membre active de l'association depuis maintenant 2 ans et demi. J'ai pas de poste particulier mais voilà, je suis présente à toutes les manifestations et dans la vie associative active. D'accord. Votre association est composé entièrement de bénévoles ? Oui, c'est ça, exactement. Et si j'ai bien compris, votre premier point est avant tout la solidarité ? La solidarité internationale, plus précisément, parce que l'objectif principal de l'association, c'est avant tout de faire des chantiers dans le domaine de l'éducation et de la santé. Donc en ce moment, depuis pas mal d'années, on est basé au Sénégal, en partenariat avec des villages là-bas et des écoles. Après, l'association, historiquement, a déjà été au Togo aussi, au Maroc, et je crois que c'est tout. Donc, voilà. Si j'ai compris que vous n'étiez pas sur des chantiers nationaux, vous c'est êtes ça. Beaucoup plus axé sur des chantiers internationaux. Exactement. Et là, j'ai vu que votre dernier projet a été la construction d'un chantier d'une salle de classe à Nder, au Sénégal. Oui. En août 2018. Voilà, on est parti trois premières semaines du mois d'août. On est parti à 7 bénévoles et on a rejoint là-bas une équipe de maçons avec des cuisinières et on a logé dans la salle de classe pour, en fait, dans l'école existante à Nder. Donc c'est un petit village au nord de Dakar, à 150 km au nord de Dakar. L'école existe déjà, il y a déjà 3 salles de classe et on y est allé cette année pour y construire une 4e salle de classe. D'accord. Voilà. Et comment faites-vous pour trouver des fonds aussi colossaux ? Ben on est beaucoup, beaucoup sur l'autofinancement. Donc des dons ? Des dons aussi, mais ce n'est pas la plus grosse partie. La plus grosse partie, ça va être toutes les manifestations qu'on fait au fur et à mesure de l'année. Donc ça passe par des concerts, ça passe par des tournois de pétanque, de fléchettes, des ventes de chocolat et de comté. D'ailleurs, en ce moment, on a relancé la commande de comté. Donc c'est du comté qui vient du Doubs. Yvette qui s'en charge de faire le lien. Mais voilà, on vend le comté. Donc si jamais il y en a qui en veulent. Et du chocolat, non ? Et du chocolat aussi pour Noël. Donc tout ça, c'est sur notre site Facebook. Vous trouverez toutes les informations sur le Facebook de l'association. Donc, en dehors de vos chantiers solidaires, est-ce que vous collectez des fonds ? Pour des personnes démunies, je vois bien que vous faites des collectes de fonds pour des fournitures scolaires, par exemple. En fait, on ne fait pas de collecte de fonds pour ça. On demande aux écoles avec qui on est en partenariat de nous donner des fournitures scolaires ou des connaissances. Voilà, s'il y en a qui veulent donner des cahiers, des stylos, des craies, des ardoises, enfin, tout ce qui peut être utile au Sénégal, nous, on les récupère. Et on les ramène ensuite au Sénégal lors de nos chantiers. D'accord. Je pense que ça doit faire la joie de ces petits-enfants. Et au niveau des associations, il y en a beaucoup en France. Agir Ensemble, c'est sur Épinal. C'est uniquement Agir Ensemble Épinal. Vous êtes pas un gros indépendant. Voilà, on est indépendant. On est une toute petite association, il y a une vingtaine de bénévoles. Ouais. Et on a démarré comme ça, déjà, moi j'ai démarré en 1996 avec cette association. Et ça fait déjà longtemps alors. Ça fait déjà longtemps, effectivement. Et vraiment, tout va sur notre projet chantier. D'accord. Donc l'argent que nous récupérons, eh ben, vient de temps en temps. On a la chance d'avoir une subvention, mais c'est pas toujours facile. Alors qu'au début, le ministère des Affaires étrangères nous finançait l'achat des matériaux. D'accord. Donc là, on n'était pas obligé de faire autant de manifestations pour récolter des fonds. Donc d'accord. Là, maintenant, c'est plus le cas. Enfin, il y a des années où on a des subventions. Cette année, on a eu une subvention de la région, donc qui était vraiment bienvenue pour notre projet. Voilà. Mais c'est pas toujours le cas. Oui, je pense que ça doit être une bataille quotidienne. Ben, c'est pour ça qu'on a pris le choix de faire des actions de l'association pour récupérer des fonds. Mais par rapport au tout début de cette association, on en fait beaucoup plus qu'avant. Et là, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Richard, le président de l'association Agir Ensemble d'Épinal. Donc, bonjour Monsieur Richard. Bonjour. Merci d'être venu. Et pouvez-vous nous faire une brève présentation de l'association, donc? Oui. Alors, l'association a 26 ans, bientôt 27 ans d'existence maintenant, et a réalisé presque une vingtaine de chantiers de solidarité en Afrique, principalement au Sénégal. Il y en a eu un au Maroc, le premier en Algérie, un au Maroc, et on en a financé un au Togo. On ne s'est pas rendu au Togo. Mais c'est vrai que d'habitude, on se rend là où on finance le projet autour de l'éducation ou de la santé, dans des villages qui nous contactent pour améliorer leur quotidien. Et en général, soit la scolarité des élèves, principalement des filles qui n'allaient pas beaucoup à l'école à l'époque, et puis également dans le secteur de la santé, pour faciliter les accouchements, les soins, les premiers soins, etc. J'ai vu que sur Facebook ou sur votre site que vous travaillez aussi avec la Ligue de l'enseignement des Vosges. Oui, en fait, on est affilié à la Ligue de l'enseignement des Vosges. C'est un partenariat qui perdure. Maintenant, je ne sais pas depuis combien de temps ça dure, mais depuis le début. Depuis le début. Bon, ben voilà. Donc, on est affilié à la Ligue de l'enseignement des Vosges, effectivement. D'accord. Y a-t-il une subvention ou c'est du partenariat? On n'a pas de subvention de la Ligue. Après, c'est un partenariat qui nous sert beaucoup dans les contacts, dans les recherches. De nom, voilà, quoi. C'est un peu. Et également pour les assurances des membres de l'association et l'assurance de certaines manifestations. D'accord, ok. Même sur les chantiers, d'ailleurs. Ça. Même sur les chantiers, oui. Il y a énormément d'associations dans les Vosges. Je crois qu'il y en a pas loin d'une centaine qui sont affiliées à la Ligue de l'enseignement des Vosges. C'est un appui logistique. D'accord. Êtes-vous à l'origine de Afrisson? Oui. Oui, là, pour le coup, c'est nous qui l'avons créé. Oui, c'est bien vous les créateurs. Ouais, du ça, coup. Ça a commencé par Agisson, au début, en 2006-2007, je ne sais plus exactement. Et puis, il y a eu quatre éditions d'Agisson, et ensuite, ça s'est transformé en Afrisson, puisque avant, il n'y avait que des concerts. Ensuite, il y a eu concerts et journées africaines. Et on a gardé le titre et on fait principalement de la restauration et des concerts maintenant. D'accord. Ça attire beaucoup de monde? Oui, ça rassemble plusieurs centaines de personnes. Donc c'est une fois par an. Maintenant, on le fait au Bar Le Troquet à Épinal. Au mois de mai. Donc qui est un de nos partenaires depuis de nombreuses années. On a fait d'autres manifestations dans ce bar. Il y avait le Festival du Troquet tous les ans, organisé par le groupe Tournée Générale, avec qui on était assez proche, et elle est donc le propriétaire du Troquet. Et on a pris le relais du festival du Troquet, avec l'accord donc du patron, et ça fonctionne, donc on va essayer de refaire ça pour 2019. D'accord. C'est bien, ça mélange un petit peu les cultures aussi. Ça permet de toucher un peu tout le monde déjà du quartier, et puis aussi de Spinaliens, et puis des villages environnants. Donc ça rassemble du monde. Surtout que là, l'année dernière et puis cette année, on verra bien. Mais normalement, cette année, l'après-midi est consacré aux enfants. Donc il y a des spectacles proposés pour les enfants, des concerts pour les enfants aussi. Et voilà, ça permet d'avoir un public qui touche tout le monde, enfants et adultes, ados pour la soirée, lors des concerts. Donc c'est bien, on peut venir avec toute la petite famille, on a pour tous les goûts. Voilà, exactement. Et en plus, c'est prix libre. Exactement. Il n'y a pas d'entrée payante, les gens donnent ce qu'ils veulent. On vend des boissons, de la restauration, on fait tourner le chapeau ou une urne et les gens donnent ce qu'ils veulent. D'accord, c'est super, je pense. En tout cas, les gens sont contents quand ils viennent. Ils sont contents. C'est ouais, but, ça rassemble toutes les générations, tous les milieux, ça rassemble énormément de monde. C'est toujours très familial, très festif, très, très chaleureux. Il n'y a jamais eu de problème. C'est vraiment dans une très bonne ambiance. Et puis ça permet aussi de faire découvrir des petits groupes locaux qui ne sont pas forcément connus mm-hmm. du grand public. Donc, les gens découvrent aussi d'autres styles de musique. Autre chose. Voilà. Donc c'est bien pour tout le monde. Autant pour les groupes qui viennent bénévolement aussi, il faut le dire, pour l'association. Et pour le public qui vient découvrir ce qui se passe à Épinal. D'accord. Et au niveau de l'association, pour devenir bénévole, comment ça se passe ? Il faut prendre contact avec l'un d'entre nous, le président, sur notre triptyque, il y a toutes les références. On accueille tous ceux qui ont envie de faire quelque chose dans le domaine de la solidarité, dans le domaine des chantiers, découvrir aussi ce que nous faisons réellement, en sachant que pour être bénévole et partir en chantier, on attend un investissement de chacun pendant l'année qui précède le chantier, c'est-à-dire une participation à toutes les manifestations, enfin au maximum. Donner de son temps. Donner de son temps. Et puis surtout, apprendre à se connaître. Parce qu'on n'arrive pas en Afrique comme ça si on ne se connaît pas déjà dans le groupe. Parce qu'il y a d'autres impératifs qui entrent en jeu. Le fait d'être à l'étranger, le fait de ne pas être hébergé dans les mêmes conditions qu'ici, le fait de aussi apprendre à découvrir toute la culture du pays et rencontrer les gens. Si on va là-bas qu'on n'a pas envie de rencontrer des gens, c'est pas la peine, quoi. Donc ça en fait partie, voilà. Il n'y a pas de cotisation, de choses comme ça, non ? Il y a une adhésion. Ouais. Une association a forcément une adhésion. Donc notre adhésion, elle est de 25 euros pour l'année. À partir de là, ça permet de suivre la vie de l'association et de pouvoir partir en chantier, si chantier il y a, parce qu'il n'y a pas de chantier tous les ans. Ouais, j'ai bien vu ça, que oui, il n'y avait pas de chantier tous les ans. Comment ça se passe comment vous faites pour prévoir des chantiers aussi gros ? Parce que c'est un sacré travail de prévoir ça déjà. Et en plus, c'est pas la porte à côté. Il faut prendre l'avion, il faut prendre les transports, tout ça. Donc je pense que c'est aussi un coût. Un chantier comme celui de cette année, c'est en moyenne 18 000 euros à peu près. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve 18 000 euros financé quasiment entièrement par nos manifestations. Après, il y a une petite participation du membre qui part au Sénégal. Mais voilà, tout est financé quasiment par nos manifestations, parfois par des subventions comme cette année. La majorité des frais, c'est des billets d'avion. Oui. Après, le reste, c'est la construction en soi du bâtiment sur place, plus nos frais d'hébergement et de nourriture, quoi. Il y a les employés, vous m'avez parlé de maçons qui vous attendaient déjà sur place, etc. C'est aussi des bénévoles, c'est des personnes... Alors en fait, c'est des villages avec qui on est en partenariat depuis de nombreuses années. Donc on travaille sur du long terme. C'est-à-dire que le jour où on décide d'aller faire une salle de classe dans un village où il y a besoin d'une école, il y a de fortes chances qu'il y ait une deuxième salle de classe ensuite. Et puis le logement des enseignants pour stabiliser l'équipe pédagogique et pour faire en sorte que l'école soit utilisable dans les meilleures conditions possibles, avec une clôture autour de l'école pour sécuriser les jeunes. Il faut que ça soit pérenne, en fait. On ne fait pas juste une salle de classe comme ça. Vous faites les choses jusqu'au bout. Voilà. C'est ça. Partenariat. Également dans la santé, puisque tous les chantiers qu'on a réalisés autour de la santé, dans deux villages, aujourd'hui, donc, ce sont des hôpitaux. D'accord. Donc, c'est des chantiers qui sont situés en brousse, donc c'est assez rare, déjà, de voir des groupes de blancs qui vont faire des chantiers en brousse. Les conditions de vie sont quand même pas toujours faciles. Et puis, de voir ce genre de structure dans ces endroits-là, forcément, ça a un impact sur la localité et les communes alentours. Donc, les dirigeants, que ça arrive même jusqu'au gouvernement, sont au courant de ce qu'on réalise. Et il y a un impact, puisqu'on travaille quand même avec des gens en qui on a confiance, qui tiennent la route, que ce soit les directeurs d'école, les présidents des parents d'élèves, les chefs de village, les associations de femmes. Parce que dans la plupart des villages où on va, il y a des associations de femmes qui sont très dynamiques, des associations de jeunes aussi. Donc voilà, c'est vraiment des partenariats dynamiques et sérieux sur plusieurs années qui permettent une stabilité. Pour votre association aussi, je pense que c'est ce qui permet oui, aussi une bonne stabilité. Ouais, ça facilite quand même les choses de préparation en amont. Et puis donc l'équipe maçon qu'il y a sur place... Donc c'est une équipe qu'on paye. C'est une équipe d'ici ou c'est une équipe que vous appelez de là-bas ? Ah, c'est des gens qui sont dans qui bossent dans les villages où on va. Et ils sont bénévoles ou il y a une contrepartie ? Non, le budget du chantier, il y a une partie qu'on prend pour aussi... Il y a les salaires de nos cuisinières, il y a les salaires des maçons, et puis il y a les frais de matériel, d'outils, de ciment, de briques... les fenêtres, les portes, etc. Et vous ne pouvez pas trouver des subventions avec des magasins comme Brico Dépôt, des choses comme ça ? C'est pas trop possible de faire comme ça, pour deux raisons. Déjà, on préfère acheter les matériaux là-bas pour favoriser l'économie locale. Ouais, c'est clair que oui. Donc ça, c'est la principale raison. Et ensuite, la deuxième raison, c'est que c'est quasiment impossible, parce que ça serait un budget énorme de faire... Faire venir le matériel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on ne travaille pas avec des magasins d'ici et on favorise toutes les entreprises locales là-bas. Et les matériaux sont moins chers là-bas, peut-être ? Bah, moins chers que chez nous, sûrement. Il faudrait comparer une fois. Oui, j'en ai aucune idée. C'est une question bête, mais... Que le sac de ciment est moins cher là-bas, j'espère. Je pense. Après, il y a les frais d'essence qui sont pas loin d'être égaux au nôtre, mais le matériel et l'outillage est forcément moins cher là-bas. La main d'œuvre aussi, je suppose. Nous, on s'efforce de rémunérer au mieux que ce soit nos cuisinières ou les maçons, ou même notre chauffeur, le coordinateur quand il y en avait un. Voilà, c'est des gens à qui on reverse un salaire assez digne, assez sérieux, quoi. On n'est pas là pour exploiter non plus les gens sur place. Il faut dire aussi que nous partons en chantier, que si nous avons l'assurance qu'il va y avoir soit un enseignant nommé, soit une infirmière, soit une sage-femme, tant qu'on n'est pas sûr, si on nous dit là on ne sait pas peut-être, on ne va pas construire. On va vraiment construire que quand on est sûr que ça va fonctionner. Oui. Parce que tout l'argent qu'on récolte, on le laisse au chantier pour la construction, le fonctionnement de cette période où nous sommes là-bas aussi. Chaque chantier, c'est une remise en question de l'association, en fait, puisque quand on arrive à récolter, comme disait Florence, à peu près 20 000 euros, on vide le compte en partant. Et du coup, là par exemple, en ce moment, on repart à zéro. D'accord. C'est pour ça que 2019, ça va être compliqué de faire un chantier, puisque les subventions, comme l'a dit Yvette, sont compliquées à avoir. Et donc, il y a beaucoup de manifestations à réaliser. Pour ça, il faut des bénévoles qui sont disponibles. Effectivement, on essaye de ne pas mettre le problème de l'argent au centre de l'association, mais du temps. Donner du temps à l'association pour aller chercher des fonds là où on peut en trouver. Eh bien, on va faire une petite pause musicale avec une musique de Alex Toucourt, Le compteur à zéro. Part de l'angoisse qui renfloue mon quotidien, qui me fait perdre la face quand trop longtemps rien ne vient. L'inspiration perforée, bien loin de couler à flot. Je rame et je mets papier, ma feuille blanche me mène en bateau. Croyez très fréquent. La note, faut bien la payer. Faut jamais s'en battre à mesure, être infidèle à son stylo. Bien souvent, c'est à l'usure que je peux lui arracher les mots. Je me demande à quoi ça rime, ça devrait être à ma portée. Mon crayon n'a pas bonne mine, à la gomme sont mes idées. Pour l'instant, rien ne m'inspire, mais qu'elles se tiennent à carreau. Je finirai par la noircir, cette feuille-là n'aura pas ma peau. Bleu. Mais bien sûr, rien n'a changé. Je n'ai pas eu le verbe plus heureux. Avant de tout remettre en question, je me suis mis devant une feuille rose. Je croyais tout remettre en chanson. Rien, ni en vers, ni en prose. Cette feuille vide me fout beaucoup. Et ça me met au diapason. Quand sur elle l'encre ne coule ni rature, ni brouillon. Cette feuille vierge qui me déchire. Dans le mot, tous ces silences, ces soupirs, s'épuiser dans un violon de trop. Je me demande à quoi ça rime, ça devrait être à ma portée. Mon crayon n'a pas bonne mine, à la gomme sont mes idées. Pour l'instant, rien ne m'inspire, mais qu'elles se tiennent à carreau. Je finirai par la noircir, cette feuille-là n'aura pas. Cette feuille-là n'aura pas. Cette feuille-là n'aura pas ma peau. Oh, oh, oh. La feuille blanche, c'est ce trou noir qui remet le compteur à zéro. Mais quand arrive la fin de l'histoire, c'est pas elle qui a le dernier mot. Et voilà, c'était notre première pause musicale avec Alex Toucourt, le compteur à zéro. Et donc, je suis toujours en compagnie de Florence, Yvette et Monsieur Richard de l'association Agir Ensemble. J'aurais peut-être dû vous appeler Jean-Philippe, non ? C'est pas grave, même JP, c'était JP, d'accord. Aussi. Alors, nous sommes avec JP, le président d'Agir Ensemble d'Épinal. Voilà. Donc, je vais repartir sur mes questions. Au niveau du bénévolat, comment on fait pour partir donner un coup de main sur les chantiers ? C'est une bonne question, parce que c'est pas si évident que ça. Donc effectivement, il faut commencer par adhérer à l'association. Mmh. Et puis à s'investir dans le projet. Donc faut monter des dossiers de subvention. Parce que même si on n'a pas toujours de subvention, on monte des dossiers quand même. Oui, vous essayez quand même. Donc il faut connaître le groupe, connaître l'écriture d'un dossier, le fonctionnement de la réalisation d'un budget, l'historique de l'association, etc. Donc ça demande quand même une préparation en amont assez importante pour être sûr de savoir de quoi on parle et ce qu'on va y faire. Mm-hmm. Et puis ensuite, il y a plein de démarches administratives, de santé, de vaccins, de passeports, etc. qui sont à mettre en place. Mais l'important, c'est d'être présent le plus possible dans les recherches d'autofinancement. Donc dans toutes les manifestations qu'on organise, d'être présent pour tenir la buvette, pour vendre des tickets, pour vendre des chocolats, pour tenir la buvette ou la restauration au Festival à Frisson, démarcher des groupes ou des troupes de théâtre qui viendraient jouer gratuitement. Pour nous, ouais, voilà. Alors on essaye justement de contacter des gens le plus possible qui viendraient bénévolement en soutien à l'association. Ça veut dire que, comme Alex Toucourt qui vient de passer, est venu déjà deux fois nous soutenir sur le Festival à Frisson, par exemple. Donc ils viennent bénévolement en soutien au projet. Et il y a de nombreux artistes locaux qui sont déjà venus. Voilà, c'est important aussi de le rappeler. Et on a besoin aussi de ceux qui ont un peu de notoriété pour nous aider. Pour faire parler de vous aussi. Pour faire parler de nous et puis faire venir du monde. Parce que ça fait venir, du monde et ça fait connaître votre association au passage. Et nos actions en général sont assez agréables à mener. Si c'est un tournoi de pétanque, un festival à Frisson. C'est sympathique. Voilà, on essaye de mettre quand même de la bonne humeur dans ce qu'on fait et donner envie et que ça soit pas trop lourd de s'investir. Parce que c'est vrai que moins il y a de subventions, plus il y a d'investissements, ça peut être pesant. On fait à peu près une réunion par mois ou tous les deux mois, ça dépend des sujets. Puis une manifestation par mois, en général. Une manifestation par mois, donc voilà, ça demande du temps à l'association. Votre dernière manifestation, c'était quand, quoi et alors, comment? C'était le... Le repas. On a fait un repas animé il y a 15 jours avec le restaurant d'application de grains de sel à Épinal, qu'on fait depuis plusieurs années maintenant. C'est un repas dansant. Bon, cette année, on a fait un repas animé, mais là, d'habitude, c'est un repas dansant. Classique, hein, là, c'était un couscous, c'était très bien. Juste avant, on avait un stand, on vend de l'artisanat sénégalais qu'on ramène lors de tous nos séjours. Oui, j'avais vu ça sur Facebook. Il y avait dans votre Facebook Agir Ensemble qu'il y avait une petite page où vous parlez d'un magasin sénégalais en montrant des articles, des bijoux. Tout l'artisanat qu'on ramène, donc on a mis ça effectivement sur Facebook, c'est la boutique Agir Ensemble. Et on le vend forcément un petit peu plus cher de ce qu'on le paye pour pouvoir financer aussi nos futurs projets. Donc voilà, on ramène des bijoux, des statues, des djembés, des awalés, on ramène pas mal de choses, donc il y a du choix. Donc, ça fonctionne ? Ça fonctionne pas mal. Là, on a acheté des bobs et des chapeaux en wax, en tissu sénégalais. Et ça s'est bien vendu aussi, ouais. Ça plaît et il y en a encore, d'ailleurs. On était présent au festival à Raon-au-Bois, l'éco-festival à Festi-la-Vida. Ouais. À Festi-la-Vida, oui. Voilà, donc on était présent avec notre stand. Ça permet aussi de rencontrer des gens, de discuter et avec eux. De faire parler de vous, voilà. De faire découvrir l'association. Donc là, c'est important pour nous d'avoir aussi ce volet-là. Bon, on a aussi une action éducative, hein. On a mené, pas cette année, mais l'année d'avant, un partenariat avec une école maternelle d'Épinal, où l'enseignante était très motivée par rapport à tous ces problèmes de l'Afrique, l'eau, etc., l'école. Et sujet du coup, qui tient à cœur. Voilà, et du coup, on est intervenu aussi, là. On n'a pas que le volet, on vend, et voilà. On a aussi une action plus ouverte. Et au niveau de la recherche de bénévoles, vous y arrivez ? C'est souvent du bouche à oreille. Oui, je pense, parce que moi, j'ai connu votre association bouche à oreille aussi. Voilà, ça marche quasiment que comme ça. On n'a pas de campagne de recherche de bénévolat, quoi, de bénévoles. Donc ça marche au bouche à oreille, des amis, des membres ou des copains qui en entendent parler ou sur Facebook ou tout ça. Ou lors de nos manifestations, avec les personnes, on parle et disent « Ah tiens, ça pourrait m'intéresser ». Et puis au final, on les revoit aux prochaines réunions. Puis, c'est comme ça que ça marche. Et vous arrivez, parce que je suppose que vous travaillez et que l'association est à côté, est-ce que des fois, c'est pas trop compliqué de voir... prendre du temps pour le travail, prendre du temps pour soi et prendre du temps pour l'association. Je pense que c'est un choix en final parce que quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on sait pourquoi on le fait, on s'investit, on sait pourquoi on s'investit et pas forcément que pour partir en chantier au final. C'est global, on s'investit parce qu'on aime les actions que l'association fait et parce qu'on est on porte les mêmes valeurs que l'association porte. Et voilà, donc effectivement parfois... il faut savoir cumuler le travail, l'association, la vie personnelle, et puis c'est comme ça. Chacun donne ce qu'il peut à l'association. Il y a des gens qui sont membres et qui ne participent à aucune manifestation, ils sont juste adhérents depuis des années en soutien. Voilà, ils payent leur cotisation, ils sont adhérents, ils sont au courant de ce qui s'y passe, ils nous encouragent, parfois il y a des dons. Et puis chacun donne ce qu'il peut à l'association. Tout le monde est bénévole, il n'y a aucun salarié, donc effectivement il y a beaucoup de travail dans la communication, dans la recherche de bénévoles, c'est assez compliqué. Peut-être qu'on ne démarche pas assez dans les établissements scolaires, par exemple, pour aller chercher des lycéens. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Du temps, des contacts dans les établissements. C'est à réfléchir, après, pourquoi on a pas les essayer. Outils, on a les outils pour parler de tout ça. Mais, Je pense que oui, c'est une cause aussi qui touche. Nous, on se plaint alors qu'on ouvre notre robinet, on a de l'eau qui coule. Pour aller à l'école, dans tous les cas, on a des bus, des trains, on a tout. Et je pense que oui, il faut en parler. Oui, ouais, c'est sûr. On n'a pas de conseiller en communication à notre service. Ouais. Et ça, peut-être qu'on ne sait pas trop faire. On a toujours été plus sur le terrain que dans la recherche et la communication, hélas. Mais bon, voilà. Peut-être donc qu'on sait. On lance un appel, en fait. S'il y a des gens qui sont dans la com ou dans ces trucs-là, il y en a plein, qui sont prêts à venir nous filer un coup de main, bénévolement, évidemment, parce que là, il y en a beaucoup moins. C'est bien ça, le problème. Souvent, on a eu des rencontres de gens, c'est magnifique ce que vous faites, etc. Si vous voulez, je vous aide, et puis on reçoit la facture, donc c'est compliqué. Bah, vous ne pouvez pas avancer si à chaque fois que vous demandez un service, on vous fait reculer de 10 pas, quoi. Voilà. Exactement. Et on n'a pas les fonds de réserve pour se permettre des risques aussi importants. On prend beaucoup de risques déjà sur un festival comme un frisson, qui est notre grosse manifestation dans l'année. Si on se rate sur un frisson, c'est très compliqué. C'était un gros budget. Oui, oui, forcément, même si on essaye de faire au mieux, mais c'est ce qui nous demande le plus d'investissement au départ. Bon, ça va qu'on a de bons retours en général, même s'il y a des années où c'était creux total, même en déficit parfois. Donc voilà, c'est jamais évident. Mais ce qui serait vraiment bien, c'est d'avoir encore un peu plus de monde, un peu plus de bénévoles, un peu plus de... Bah, des mains, des bras, en plus, c'est toujours plus on est nombreux, plus c'est facile d'être présent sur toutes les manifestations où on voudrait l'être. Sauf qu'on a tous des impératifs, et puis voilà, on fait en fonction des disponibilités de chacun. Donc plus on est nombreux, plus on peut se permettre d'avoir deux manifestations par mois, par exemple, au lieu de une. Ce qui fait doubler le budget, donc c'est important, au final, d'être nombreux. Oui, c'est dommage, cette histoire de subvention, qu'elle ne soit plus d'actualité, quoi. Ça fait déjà quelques années que ce n'est plus d'actualité de donner des subventions pour des projets qui sont loin de la France aussi, hein. Il y a peut-être plus d'argent qui est prévu pour localement, pour les initiatives locales. Alors que... c'est un débat aussi dans ces cas-là. Je veux dire, l'Afrique est un pays pauvre... C'est un continent. Oui, pardon. C'est un continent pauvre. Et comment dire, je pense qu'il faut les aider pour qu'ils repartent de l'avant, quoi. Et si aucun pays ne les aide à remonter la pente... Si je pense au tout premier chantier, donc dans les années 2000, un petit peu avant aussi, quand on arrivait, il y a une partie des filles qui n'allaient pas à l'école, par exemple. Bon, le village de Sintiane, qui est dans l'est du Sénégal, à la frontière mauritanienne, on sait maintenant que toutes les filles, elles vont à l'école. Alors bon, ça vaut quand même le coup de se dire, le projet qu'on fait, c'est pas comme ça en l'air, quoi. Et on a un retour aussi, il y a un collège maintenant à Sintiane. Il y a un lycée à 5 km. Il y a un lycée à 5 km, donc il y a quand même... voilà, même si c'est à plus long terme... Ça vaut quand même le coup de s'investir dans le domaine de l'école, de la santé, se tourner, faire des actions plutôt tournées vers les femmes et les enfants. Donc ça, c'est important quand même. Mais comme vous le disiez, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de ce qui s'y passe. De là mais à passer le cap, de quoi. S'investir dans une association et de partir voir sur place, les conditions de vie peuvent paraître compliquées. Hein. Il n'y a pas de confort, hein. Il n'y a pas... On dort sur des petits matelas ou des moustiquaires par terre. Mais je pense que ça peut faire du bien de sortir un petit peu de son confort tous les habituels et de se rendre compte de la misère humaine qui se passe autour de nous. Ceux qui ont essayé s'en souviendront toute leur vie, de toute façon. Ça change la vie, en fait, au final. Enfin, ça change. On se rend compte qu'avec nous, on a tout et qu'eux, avec un rien, font tout. Après, il y a des choix politiques qui sont faits et qui ne sont pas toujours les bons vis-à-vis de nous, par exemple. Effectivement, les subventions, ça fait maintenant presque 10 ans que... qu'il n'y en a plus, quoi. À part la région, encore, qui nous soutient. Ouais. Mais que ça soit départementalement, l'État... c'est des choix qui ont été mis de côté, effectivement, soit pour des projets locaux, soit pour d'autres projets. L'Afrique, c'est beaucoup maintenant... ça se développe, ça avance, hein, il se passe énormément de choses là-bas. Mais c'est plus économique, c'est pas forcément la priorité de construire des écoles, hôpitaux. Et donc, vous avez déjà agi dans des hôpitaux, pour de la reconstruction d'hôpital ? Moi, je suis jamais allée faire un chantier dans la santé. Je suis partie deux fois en chantier pour construire une salle de classe, l'année dernière et cette année. Mais jamais au niveau de la santé. Mais Yvette, je crois que oui. Mais disons qu'on construit un hôpital on a construit une maternité. Bon, ça veut dire à l'africaine, un bâtiment africain. C'est rien à voir avec nos hôpitaux à nous. Mais c'est un endroit où, quand les femmes viendront accoucher, elles rencontreront une sage-femme et elles seront prises en charge. Sur un lit et non par terre. Sur un lit et non par terre, enfin. Le minimum. Voilà, c'est ça. Le minimum. Mais voilà, il y a quand même un accueil qui est fait à la maternité. Et c'est qu'avant, elles allaient au champ. Il y a des fois, elles accouchaient au champ. Et puis, et sans l'aide de personne, je suppose. Voilà, et elles revenaient. Donc là, il y a une structure un peu plus médicalisée qui va quand même dans le sens de les aider au niveau santé, quoi. Et nous, quand on part, on essaye d'amener aussi un peu de matériel de premiers soins. Où je me souviens, pour la maternité, on avait acheté à Dakar un lit d'accouchement. On a amené un stérilisateur, c'était Cynthiane. Voilà, on essaie d'amener de temps en temps du matériel, des choses qui vont être vraiment utiles au bon fonctionnement du dispensaire ou de la case de santé. Parce qu'on dit hôpitaux, à Cynthiane par exemple, on l'appelle un hôpital maintenant. Donc, c'est un peu notre fierté aussi parce qu'au départ il n'y avait rien. Et il y a juste une équipe qui est extrêmement solide depuis maintenant 20 ans. Mmh. Qui a fait de cet établissement une référence au Sénégal, où même le gouvernement envoyait les étudiants en stage là-bas. Mmh. Donc de Dakar, c'est à 800 km, hein, Cynthiane, en brousse. Nous, quand on y allait, Yvette s'en souvient, les premières années, il n'y avait pas de route. C'était très compliqué. On mettait deux jours pour faire 800 km en bus. Il n'y avait personne n'y allait, hein, même les Sénégalais. Il y en a même qui ne connaissaient pas du tout ce coin-là. Il n'y a aucun touriste qui y allait. Voilà, aujourd'hui, comme l'a dit Yvette, il y a un collège, il y a un lycée. Moi, je discute encore régulièrement sur Facebook avec des jeunes de là-bas. Il y en a qui travaillent au gouvernement, il y en a qui ont des entreprises. Enfin, c'est incroyable ce qui s'est passé dans le village de Cynthiane sur l'émancipation et l'évolution. Et ça continue aujourd'hui, puisque les jeunes de 10, 12, 15, 16 ans à Cynthiane sont encore très actifs. Je sais que cet été, il y en a qui donnaient des cours aux plus jeunes. Voilà, ça fait 20 ans que ça dure. C'est pas partout que ça se passe comme ça. Nous, on est assez contents et fiers d'avoir travaillé avec eux pendant de nombreuses années, et on est toujours en contact avec les villages où on s'est rendu, au niveau des contacts, comment faites-vous pour savoir comment ça se passe après votre départ? En Facebook, et puis le téléphone, les mails, c'est un peu plus compliqué, mais... Bon, maintenant, il y a des moyens de communication qui ne coûtent pas cher. Effectivement, Facebook, c'est plus simple, ça facilite les choses. Il y a d'autres noms que je n'ai pas en tête, sur les téléphones portables... Ils en ont tous des téléphones portables, donc ouais, voilà, des trucs comme ça. Il y a possibilité d'être en communication beaucoup plus facilement qu'il y a 10, 15, 20 ans. Et puis les jeunes qu'on a connus enfants là-bas, aujourd'hui on les a sur Facebook. Et ils sont quasiment adultes. Et ils sont, voilà, exactement. Donc ils nous racontent ce qui se passe chez eux, ce qu'ils font maintenant. Et c'est pour ça qu'on voit aussi l'évolution des choses. Il y a de la gratitude en retour. Toujours, c'est impressionnant parce qu'ils se souviennent de tout, de tout le monde, de tous les gens qu'ils ont, toutes les bonnes actions, de l'association qu'ils ont rencontré. Et puis ils voient maintenant en plus, du coup, avec les réseaux sociaux, ce qu'on fait ici, ce qu'on leur expliquait quand on y allait, mais qu'ils ne visualisaient pas forcément. Là maintenant, voilà, il y a des photos qui passent souvent entre eux. On échange des photos, on échange des conversations. Et Cynthiane, au départ, c'était un des premiers villages où il y avait l'eau courante. Alors, ça veut dire quoi l'eau courante? Ça veut dire qu'il y avait des fontaines ont été installées et étaient ouvertes à certaines heures pour que les femmes ne fassent plus des kilomètres pour aller chercher l'eau. Et c'est au départ, si on tape Cynthiane sur Internet, on tombe sur un site qui s'appelle Cynthiane Ingénieurs sans frontières. Et c'est grâce à Ingénieurs sans frontières que l'eau a été... ils ont cherché, il y a eu un château d'eau, il y a une réserve d'eau. Ils ont formé quelqu'un pour s'occuper de ce château d'eau et ça a fonctionné très vite. Et même la première année où on y était, on n'était même pas obligé de traiter l'eau parce que l'eau avait été pompée et c'était de l'eau potable comme ça. Donc ça, c'était quand même extraordinaire pour l'Afrique parce que nulle part en Afrique, on peut boire l'eau sans la traiter, quoi. Et là, avec Ingénieurs sans frontières, ils avaient vraiment créé quelque chose dans ce village, qui était un village qui était quand même, qui avait envie de prendre en charge son développement aussi. Ouais. Parce que il y avait des notables qui étaient vraiment conscients qu'il fallait faire quelque chose de positif et avancer. Donc ça, ça a été aussi important pour la dynamique du village et pour le fait qu'on ait fait plusieurs chantiers dans ce village. Et vous pensez que ce village est un des villages d'Afrique le plus, un des villages le plus reconstruit, enfin... Non, pas forcément reconstruit, mais où les gens vont de l'avant. Et ça, c'est... Parce que nous, on logeait dans les salles de classe, voilà. Donc, quand il y en avait une qui était construite, l'année d'après, on logeait dedans. Bon, voilà, c'était un peu spartiate. Mais en tout cas, on était super bien accueillis. Et puis, je pense que les gens qui étaient là étaient prêts vraiment à s'investir pour que leur village aille de l'avant. C'est le mot, aille de l'avant. Je pense que, alors en Afrique, j'en sais rien parce que je connais pas l'Afrique dans toute sa splendeur. Mais je pense qu'au Sénégal, au moins dans la partie nord que je connais, c'est quand même un bel exemple. Je pense qu'il y en a pas en avoir 36 des villages aussi qui se sont développés aussi bien. Parce qu'il faut savoir quand même qu'il y a toute la diaspora de ce village-là qui est partout dans le monde. Nous, on fait partie du réseau de leur boîte mail. Mais il y en a aux États-Unis, en Inde, partout en Afrique, partout en Europe, et tout le monde communique ensemble dès qu'il y a un projet. Le Sénégal est en train d'essayer de construire une mutuelle de santé pour tout le pays. Le président est en train d'essayer de faire ça et c'est très compliqué. Je me doute. Le village là, il a déjà pensé il y a 5-6 ans. Ils avaient déjà anticipé ce genre de choses. Alors je sais pas combien il y a d'habitants aujourd'hui, mais s'il y a 2000 âmes, c'est bien quoi. Et les maisons qu'il y avait quand nous on y allait début des années 2000. Et fin 90, là, les maisons, il y en a qui ont pris 2, voire 3 étages. Voilà, ça a vraiment évolué. Il y a de l'argent qui est arrivé, des jeunes qui sont partis à l'étranger. Vous devez être fier quand vous avez vu le début. Cynthiane, c'est la classe. Hein. Voilà. Bon, écoutez, on va se refaire une petite pause musicale avec Tiken Jafakoli. On partage le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses accès ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde. We'll be right back. nous ont partagé Africa sans nous consulter. Ils s'étonnent que nous soyons désunis. Une partie de l'empire mandingue se trouva chez les Wolofs. Une partie de l'empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'empire Soussou se trouva dans l'empire Mandé. Une partie de l'empire Mandé se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé Africa sans nous consulter, sans nous demander, aïe aïe aïe, sans nous aviser. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Nous sommes toujours en compagnie de mes chers invités de l'association Agir Ensemble et nous étions en train de discuter de jeunes qui venaient en chantier avec vous au Sénégal. Donc qu'est-ce qu'on était en train de dire ? Bah, on était en train de dire que c'était ouvert à tout le monde et notamment aux jeunes, que cette année on est parti avec un jeune de 17 ans, donc c'est possible aussi, même si ça peut être un peu compliqué parfois. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde est le bienvenu, et les jeunes comme les moins jeunes, hein, parce que là, cette année, c'était de 17 à 40 ans, le chantier. Mais tu veux dire quelque chose ? Ouais, en fait, il faut savoir qu'au départ, donc tous les chantiers se déroulent au mois d'août, trois semaines au mois d'août, et c'est donc les vacances scolaires. L'objectif, voilà, c'est de faciliter l'accès aux lycéens et aux étudiants qui sont, du coup, qui sont en vacances. Donc, on va s'investir les week-ends chez nous. Et quand ils ont envie de partir, ben, c'est trois semaines au mois d'août. Donc, voilà, c'est vous qui payez, enfin, l'association qui vient à payer aussi les tickets d'avion ? Oui. D'accord. En fait, on demande à chaque participant une petite cotisation. 25% du prix du billet d'avion. En général, voilà, ça revient à 175 euros, 170, 180 euros pour partir. Donc c'est quand même pas grand-chose, un billet d'avion c'est 500-600, voire plus parfois, et puis on est nourri logé quoi. Ça fait cher. Souvent dans les autres chantiers, on demande d'arriver sur le chantier, et ils se débrouillent pour arriver par les moyens, l'avion ou autre chose. Dans les autres assos. Dans les autres associations, quand il y a des autres chantiers. Nous, on a voulu ça, on a voulu qu'il y ait une participation d'un quart du billet d'avion pour chaque participant. Pour que ça soit accessible vraiment à n'importe qui ait des ronds, qui n'ait pas de ronds. Enfin, et puis, comme ça, je veux dire, ça vous permet d'investir un peu plus, du coup, vraiment dans le chantier et moins dans les billets d'avion, quoi. Oui, même aussi, si vous prenez même si je pense que vous prenez une grosse partie. En général, vous essayez d'y aller à combien ? Ça dépend des gens disponibles, en fait. Bon, mon premier chantier, en 2002, on était 14. Voilà. Là, le dernier, on était 7. En général, c'est autour de 10, quoi. D'accord. Oui. Entre 10 et 15 maxi, dernière, moi, le 5. Dernier que j'ai fait, c'était... Moi, ça dépend de ce qu'il y a à réaliser, puis de qui s'engage, quoi. Qui est disponible, combien il y a de bénévoles qui veut partir, et... Puis de l'argent aussi, ça dépend. Ça dépend aussi du financement. D'accord. Et nous, on était aussi en train de dire que les jeunes qui venaient avec vous sur les chantiers, quand ils rentraient, ça leur changeait leur... vision de la vie, que ça soit comment dire, que ça soit l'alimentation, que ça soit son confort de vie. C'est une prise de conscience, en fait. Ouais. C'est chacun, quand il rentre, et ben il se repose et il remet un peu en question sa vie, c'est sa consommation, comment ça se passe là-bas, donc comment ça se passe en France aussi. Au final, il y a une comparaison, et donc comment on fait pour que les deux aillent ensemble et que l'un ne fasse pas de mal à l'autre au final. Donc c'est un renouveau, c'est quelque chose qui change la vision des choses. Et puis aussi, c'est apprendre aussi à être tolérant en disant, ben, il n'y a pas que moi, autour de moi, il y a d'autres personnes, et c'est important de les voir, de les écouter, et puis de penser autrement. Voilà, c'est ça, d'arriver à évoluer et pas rester dans son petit monde. Ouais, de s'ouvrir le plus possible à d'autres cultures, à d'autres modes de vie, parce qu'on vit quand même 3 semaines, tout le groupe, 24 heures sur 24 quasiment, 2 semaines pleinement dans le village, donc avec des Sénégalais de brousse, mm-hmm. Donc il n'y a pas de cybercafé, il n'y a pas de salle de cinéma, on vit dans le sable, au milieu de pas grand-chose, dans une cour d'école en général. Voilà, c'est des conditions qui peuvent être compliquées. Il y a toujours des enfants autour de nous qui jouent, qui crient. Alors, il y a une chaleur humaine qui est énorme, qu'on n'a pas ici. Donc, Flo disait, en France, ils rentrent, ils réfléchissent. Il y en a qui dépriment aussi, parce qu'on perd vraiment... on est tout le temps avec du monde, tout le temps à s'amuser, à rigoler, à plaisanter, à danser. À jouer. On est dans l'interaction tout le temps. Donc, forcément, notre cerveau, Et quand chacun retrouve son appart en rentrant, t'es tout seul. C'est vrai, voilà, ça doit faire un vide. C'est un peu un choc. Le retour est souvent un choc, mais il est indispensable au final. Mm. Pour se remettre soi en face et comprendre tout ce qui s'est passé. Puis ces 3 semaines doivent être intenses aussi. C'est très intense. Que ça soit physiquement, mais mentalement aussi, de voir les conditions de vie, tout ça, ça doit faire mal au cœur à soi-même, en fait. Ouais, il y a beaucoup de choses qui peuvent choquer, que ce soit l'environnement, les déchets qui sont catastrophiques, ou voir comment les gens vivent tout simplement au quotidien là-bas. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde chez nous qui puisse vivre comme ça au quotidien sur du long terme. C'est de l'apprentissage, de la culture de l'autre aussi, des choses que toi tu penses que c'est inéluctable, au final ben non, c'est remis en question par un Sénégalais là-bas, et au final la discussion t'apporte à t'ouvrir et à remettre en question ce que toi tu penses, donc c'est tout bénéf au final. Le fait de vivre en famille complète, du dernier, du tout petit bébé jusqu'à la grand-mère ou l'arrière, tout le monde vit ensemble sous le même toit. S'il y en a un qui est mis de côté, ben il va être hébergé, il va être nourri. Il n'y a jamais personne qui est laissé de côté. Il y a plein même dans le petit village où on était, de Nder, il y a des enfants qu'on appelle des talibés, qui sont des enfants des rues, qui n'ont plus de famille. Eh bien, ils sont pris en charge par les gens du village. Ils sont nourris. Même ici en France, avec les moyens qu'on a, ça ne se passe pas comme ça. Ah, c'est bizarre. Hein. Donc là, c'est ça qui fait mal au cœur. C'est comme je disais encore tout à l'heure, c'est que c'est des personnes qui n'ont rien et qui font un tout, quoi. Mais quand ils font un poulet yassa ou un tchiboudienne, ils font un plat pour tout le monde et après on se le partage. Tout le monde mange tous dans le même plat. Nous, quand on vit à l'africaine, on mange avec eux, on mange par terre. Le plat, il est partagé avec tous ceux qui sont là, peu importe la quantité, on partage tout le plat. Et effectivement, du coup, quand on rentre chez nous, on prend notre sandwich à la sandwicherie d'en bas et on va le manger tout seul devant notre télé, c'est moins drôle. Ouais, je pense que... Mais ça fait pas que mal au cœur au final, parce que ça donne qu'une vision négative, sauf que je pense qu'il faut le prendre inversement. Au final, ça fait du bien parce que ça veut dire que ça peut se passer correctement et ça peut être positif au final. Il y a tellement de choses positives à prendre et à essayer de refaire en France, justement pour encore que ça remarche et que ça soit de nouveau correct, quoi. Oui, parce que moi qui sors de l'école tout fraîchement, tout ça, honnêtement, je ne marcherai pas une heure pour faire de l'école. Et eux, tous les jours, ils le font. Et le soir, ils rentrent. Et pour aller chercher de l'eau, il faut marcher 45 minutes. Trouvez-moi un Français sur cette France qui le ferait, quoi. C'est rigolo parce que en plus, en ce moment, dans l'actualité, on parle du gamin qui a sorti un flingue sur la tronche de sa prof. Eux là-bas, ils ont envie d'aller à l'école puisqu'ils savent que c'est leur seul moyen de s'en sortir et de s'émanciper surtout. Oui, aussi, puis de ramener de l'argent chez eux aussi. Puis de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans leur pays, d'apprendre à lire, à écrire, à compter. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont hyper importantes au final. Et pour nous, c'est des bases, principalement, les filles, parce que les gamines là-bas, elles sont destinées à faire la cuisine, les champs, la vaisselle, le linge. S'occuper des petits derniers. Je pense qu'il y en a qui ont envie de s'émanciper et qui ont envie de faire autre chose. Des femmes d'influence, tout simplement. D'avoir un travail, d'être une femme émancipée. Et on voit des femmes émerger d'ailleurs, africaines. Oui, plus en plus. Surtout dans les villes. Après, dans les villages, c'est encore pas, pas trop comme ça, mais ça viendra. Petit à petit, moi, ça viendra. Je pense que oui, il y a un développement qui est en train de se construire et qui peut bien évoluer. Après, c'est comme sûr. On dit, il faut que par derrière la politique suive. Oui. Bon, après, voilà, c'est notre engagement personnel aussi. Et puis, c'est comme ça qu'on le voit. Alors, je ne dis pas qu'on est content de rentrer. Tout à l'heure, on a assisté à une prise de bec entre un vélo et une voiture juste devant nous, là. On se dit, mais attends, on est sur quelle planète, quoi ? Les gens ne savent plus se parler. Enfin, c'est vraiment étonnant. C'est ça. Maintenant, dès qu'il y a un petit truc, tout le monde se met à hurler, à insulter. Plus de discussion, de dialogue. Tout de suite sur la défensive. Ça, ça peut changer aussi. Bah, il faut en parler. Je ne sais pas. Il faut continuer parce que si personne raconte nos expériences, par exemple, donc c'est sympa de nous inviter et de nous laisser en parler. Bah, moi, je trouve que c'est très sympa d'avoir répondu aussi à... Qui nous disent, on ne sait pas, on ne vous entend pas, machin, etc. Moi, j'ai entendu des gens me dire, tu vois, par rapport à ce que disent les gens sur les réseaux sociaux quand on leur dit il y a 4 migrants qui arrivent dans les Vosges, bon, bah, il y a un flot d'insultes, de racisme qui s'exprime. Et il y en a qui disent, mais il faudrait qu'Agir Ensemble leur explique que, par exemple, quand un Sénégalais vient, bah, c'est pas pour vivre sur le crochet de la France, c'est pour pouvoir s'en sortir parce que là-bas, chez lui, bah, il n'y arrive pas. Ou quand un Syrien vient et qu'il a un bac plus 5 dans son pays, qui parle mieux français que certains d'entre nous, qui est ultra diplômé, ultra éduqué, et que son diplôme ne vaut pas. Et qu'on lui fait croire pas. Qu'ici, c'est une sous-merde, pardon. C'est compliqué pour ces gens-là. On rabaisse les gens parce que pour leur pays, leur couleur, je ne sais pas quel prétexte débile d'ailleurs. Donc c'est des gens qui ont le cerveau un peu fermé, les yeux fermés sur le monde, qui sont coincés chez eux. Il faut pouvoir... pour ça que les jeunes qui traversent notre association, même s'ils repartent après, ils ont cette expérience-là qu'ils vont transmettre. Et c'est important de communiquer là-dessus le plus possible et d'expliquer aux gens que tout le monde déjà a le droit de voyager sur cette planète. C'est comme ça. Tout le monde a le droit de se déplacer. C'est la loi. Et puis je pense que nous, si notre pays venait être en guerre, nous serions bien contents de trouver refuge ailleurs. Enfin, moi j'essaye de me mettre un peu à leur place avant de juger, quoi. Moi je sais que tu peux aller vivre au Sénégal si ça craint ici. Bon, on peut aller à Saint-Étienne, on sera accueillis, on aura, on aura de quoi d'ailleurs, se loger. Si je vous écoute. Non, mais ils l'ont toujours dit. Vous pouvez venir chez nous. C'est... Je pense que voilà, pour eux, vous êtes un petit rayon de soleil. Mais c'est très compliqué. Moi, avec mes parents, par le passé, il y a des Sénégalais qui sont venus du village de Saint-Étienne, qui sont venus ici dans les Vosges. Là, les démarches, j'essaie de faire venir un Sénégalais en vacances, c'est extrêmement compliqué. C'est très coûteux aussi. Il y a des refus, ça coûte de l'argent. C'est refusé, souvent refusé. Si t'es pas hyper riche et une bonne situation dans le pays. Et on a écouté Tigunja Fakoli, il a une chanson qui en parle, enfin, il a plein de chansons qui parlent très bien de tout ça, mais on parle le visa par exemple. Nous, on n'a pas besoin de visa pour y aller. Les Sénégalais ont besoin d'un visa pour venir chez nous. Voilà, est-ce que c'est équitable? Non, je pense tous pas. Des sujets à réfléchir, quoi. Et bon, bah écoutez, ça va être la fin de mon émission. Alors, je voulais vous remercier tous les trois d'être venus. Donc, Florence, Yvette, un petit clin d'œil à mon ancienne prof de français. Et puis, à JP qui est venu un petit peu en retard, mais on lui en veut pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Beaucoup de l'accueil. Merci. Et à bientôt. Ta-da-dum, ta-dum-dum. Ta-da-dum, ta-dum-dum.